La patrie ou la mort, nous vaincrons. 20 bombes pour te sentir fort, qu'est-ce que tu racontes? L'éducation des masses, ma seule démarche. Je démarre et fuck ceux qui marchent à la solde des narcs. Victime des modes, des marques, triste micmac. Veulent créer le mythe, manque de bol, finissent comme dans Midnight Express. Laisse faire l'expert scientifique. Sans esprit, on fait que perdre nos sens sensitifs. Plus rien n'a de sens, on tire sur nos frères sans pitié. Grandir sans idée, c'est se perdre sans se quitter. Les dés sont pipés, ils veulent des sons qui tuent, des fonds qui tuent. J'éclaire ma ville de ma sombritude. Pas d'idylle sans hasard, demande à Eden. À l'ombre d'un arbre, on s'oublie une fois qu'on est dead. Ils me prennent pour une merde, malgré ma peau d'or. Il me resterait peu d'heures pour m'offrir un pont d'or. S'ils me laissent les miettes, dis-leur que je veux le reste. Viser l'impossible, le sommet de l'Everest. Je veux poser mes fesses sur le toit du monde. Et les fois car il me reste quelques rêves de monde. S'ils me laissent les miettes, dis-leur que je veux le reste. Viser l'impossible, le sommet de l'Everest. Je veux poser mes fesses sur le toit du monde. Et les fois car il me reste quelques rêves de monde. Pas question que je m'arrête au pied du podium. Je brille dans l'arène malgré le peu qu'on me donne. Je consomme jour et nuit, consume mon avenir. Je pilote la console comme un pirate. Je navigue depuis les colons, bercé par les sirènes des képis. Je me vide le colon dans une plaine du Serengeti. Je m'épuise seul au monde avec mon éthique. Je médite sur ce monde où la vie se monétise. Mon œil plisse sous une fumée épaisse. Je voudrais être pisse, ils ont pillé toute mon espèce. Ils espèrent nous mettre à genoux, laisse les faire. Je déjoue les pronostics comme l'équipe les testeurs. C'est mort frère, une erreur t'es plus le même. Une mère pute, c'est à quel point l'horreur est humaine. Au bout du tunnel, crois-tu à la rédemption? Ou crois-tu pouvoir trouver ton salut dans le son? S'ils me laissent les miettes, dis-leur que je veux le reste. Viser l'impossible, le sommet de l'Everest. Je veux poser mes fesses sur le toit du monde. Et les fois car il me reste quelques rêves de monde. S'ils me laissent les miettes, dis-leur que je veux le reste. Viser l'impossible, le sommet de l'Everest. Je veux poser mes fesses sur le toit du monde. Et les fois car il me reste quelques rêves de monde. J'ai le temps de me faire remarquer ou haïr. J'ai le son plus convoité que les mines du Zahir. À Paris j'ai la haine, comme ça il tag ma oui. Tard la nuit j'impose mon règne quand je tag ma ville. Bah oui je fais mon beurre à pas coup comme Tati. J'ai tout des deux, même ta fouf m'appelle Daddy. J'étale ma culture, ni Zadig ni Voltaire. En Toltiek son navigue des potes dead. Un peu d'air et je déploie mes big ailes. Je vise la légende comme Tupac, Biggie ou Big L. Fidèle à ma vision du monde comme Copernic. Peu importe ce qu'on permet, je le dis comme Capernic. Mon frère je nique leur discours paternel. C'est qu'on ternisse l'Afrique, faudrait que je sois fraternel. Va te faire mettre, je reste sincère et vrai. Éveille ma conscience au sommet de l'Everest.